L'actualité à Nancy et ailleurs. Cette année, l'association Études et Chantiers Engagement Civique célèbre 10 ans de projets collectifs, d'actions locales et d'engagement citoyen. Et pour marquer cet anniversaire, une grande journée festive est organisée à la Cité du Fer, à Jarville. Eh bien, c'est ce samedi 6 septembre à 14h. Et pour en parler, nous accueillons Hélène Kernec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice donc de Études et Chantiers Engagement Civique. Oui. Vous êtes où à Nancy ? On est basé 53 rue de la Hache, tout près du centre commercial Saint-Sébastien. Pouvez-vous nous rappeler un peu l'histoire de l'association ? Alors, Études et Chantiers Engagement Civique a été créée il y a 10 ans. On est une organisation d'éducation populaire qui promeut l'engagement tout au long de la vie et sous toutes ses formes. Et voilà, on avait envie de créer un événement festif pour fêter l'engagement des gens. Quel type d'action menez-vous ? Nous, on organise des chantiers de bénévoles sur la restauration du patrimoine bâti et environnemental. On organise aussi des formations autour de la gestion de conflits, de l'interculturalité par exemple. Et on intervient aussi dans les collèges pour organiser des chantiers participatifs tout au long de l'année avec les collégiens sur l'aménagement de leur collège. Donc vous accompagnez des gens de tous âges ? De tous âges. Il n'y a pas de limite d'âge chez nous. Et donc ce samedi 6 septembre, donc c'est à la Cité du Fer, Fer F-A-I-R-E, on précise, hein, c'est à Jarville. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est à 14h que ça commence. Ça commence à 14h, alors il va y avoir diverses animations, il va y avoir une initiation et une démonstration de murs en pierre sèche organisée par le CAUE. Il y aura des ateliers autour de l'environnement, il y aura un reportage dessiné d'une artiste qui s'appelle Barbara Bélier, il y aura un concert vers 18h et une exposition sonore faite par un artiste qui s'appelle Yvan von Stebut, voilà, qui s'appelle La Machine des Temporelles. Et ensuite on pourra boire un coup avec une bière bio La Grenaille et se restaurer au food truck des fermiers d'ici. Toujours avec modération. Avec modération. On n'oublie pas. Ça fait longtemps que vous préparez cet événement, là, des 10 ans ? Oui, ça fait environ 8 mois qu'on prépare ça avec toute l'équipe, à savoir ce qu'on a envie de mettre en avant, les partenaires qu'on sollicite. Voilà, on a décidé d'aller à Jarville-la-Malgrange parce qu'on a porté plusieurs projets sur la commune. Donc on a travaillé dans un collège et on a aménagé des espaces naturels voilà, sur la commune. Donc vous l'avez dit, montrer un peu ce que vous savez faire, les ateliers. Hein, vous avez évoqué cet atelier de mur en pierre sèche. D'autres types d'ateliers, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Oui, il y aura la création de tamashi, c'est des éponges recyclées. Il y aura des concours aussi de démontage de tentes et de montage de tentes. Il y aura voilà, aussi des activités pour les enfants. L'idée de l'éducation populaire, c'est d'apprendre en faisant. Donc là, l'idée, c'est qu'on va apprendre en faisant durant... toute cet après-midi. Et puis, c'est l'occasion, bien sûr, de présenter l'association, de faire connaître. En cette rentrée, je suppose que ce n'est pas anodin. Vous cherchez peut-être aussi à trouver des bénévoles. Oui, oui. Nous, on accueille des bénévoles pour les faire participer à nos actions tout au long de l'année, mais aussi pour les faire partir à l'étranger, pourquoi pas, pour aller faire un chantier à l'autre bout du monde. C'est voilà, possible. Oui, oui. Nous, on travaille avec 70 pays, 150 organisations partenaires dans le monde. Donc voilà, on peut aller faire du bénévolat autour de la culture, de l'environnement, aller sauver des tortues... Enfin voilà, on fait tout un tas de choses. C'est aussi des chantiers plus locaux ? Oui, on organise... alors nous, on est organisateur de chantiers sur le Grand Est. Nous, on avait un chantier à Pompey, à Saint-Miel... Enfin voilà, on a divers chantiers sur la région, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir au 53 rue de la Hache et on pourra vous renseigner sur toutes les actions qu'on mène. C'est des chantiers qui durent combien de temps à peu près ? Les chantiers, ça dure 2 à 3 semaines. On fait des chantiers ados à partir de 14 ans, qui durent 15 jours, et des chantiers adultes, donc 18 ans, jusque pas de limite d'âge. Donc si on a des questions, bien, on peut venir à votre rencontre rue de la Hache et surtout ce samedi à partir de 14h, bah, y aura plein de choses à vivre sur place et on pourra poser quelques questions. Oui, oui, vous pourrez venir nous rencontrer. Il y aura mes collègues qui seront avec moi pour vous renseigner sur nos actions et pour vous faire participer à des activités concrètes de ce qu'on peut faire tout au long de l'année. Et peut-être certains qui ont participé à des chantiers qui peuvent aussi témoigner de ce qu'ils ont vécu. Alors on aura des volontaires qui seront présents, des volontaires qui ont fait un volontariat de service civique, qui ont participé à des chantiers, qui viendront témoigner. Et puis il y a des expositions qui ont été faites, notamment un reportage sonore que vous pourrez écouter sous une yourte, sur des transats, avec un casque, où vous pourrez entendre plein de langues différentes, des expériences de chantier, vous donner une idée. Un site internet à donner peut-être pour vous retrouver, ou les réseaux sociaux ? Bien sûr, c'est aventureutile.etudeschantiers.org. Merci beaucoup, Hélène Kernec. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.